Wow, t'as vu, le film est énorme et ouais, tout. Ouais, grave, il était canon. Ah, mais leur vie par contre là-bas, c'est tendu. Hein. Ouais, grave, c'est tendu, mais t'as vu, on se demande comment ils se sont arrivés là quand même. Ouais, bah justement, toi, je voulais te demander comment t'es arrivé ici, toi. Ouais, bah moi, t'as vu, je suis. Débarqué sur Terre le 20 novembre 1990, aux alentours de midi, entre Marseille et Nice. C'est dans le sud de la France que depuis petit j'ai grandi. Faisant trois collèges, j'ai dû déménager, continuer ma vie. Parfois je le regrette car je vivais en étant ravi. Mais avec le temps je peux dire que les gens s'oublient. Depuis j'ai compris qu'il ne fallait pas s'arrêter ni se faire de soucis, mais fermer les yeux jusqu'à retrouver de vrais amis. Puis un jour j'ai commencé à écrire pour me divertir. Mettre ma vie entre les lignes a toujours été un plaisir. Aujourd'hui je ne regrette rien, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis là représentant les miens, restant dans mon droit chemin. Le stylo en main, je pense simplement que la vie s'admire. Et chaque jour je continuerai de bâtir mon empire. Ce que je n'ai pas fait a fait de moi ce que je suis. Faki, une simple musique pour raconter un petit bout de ma vie. Débarqué sur Terre, on est là pour découvrir la vie. Entouré de nos familles, de nos proches et de nos amis. Débarqué sur Terre, non non faut pas que tu nous envies. On est des jeunes normaux avec le micro pour raconter nos vies. Débarqué sur Terre, on est là pour découvrir la vie. Entouré de nos familles, de nos proches et de nos amis. Débarqué sur Terre, non non faut pas que tu nous envies. On est des jeunes normaux avec le micro pour raconter nos vies. Débarqué sur Terre, un 8 janvier 93, vers 17h, toujours à l'heure, sans jamais vraiment avoir de malheur. Sauf fin, le déménagement, un tournant, un changement dans ma vie qui m'a fait perdre de vrais amis. On m'a déraciné, enlevé de mon 7-7 que j'aimais tant pour me déporter vers un nouveau département, le 44. C'est depuis ce jour que j'ai commencé à rapper, à esquiver tous les coups qu'on a voulu me donner. Mais je suis resté droit et je n'ai pas eu tort, car maintenant ce qui ne me tue pas bien sûr me rend plus fort. Assis par terre, le stylo en main sur ce terrain de basket, pour écrire mes textes, j'ai les idées qui sont dans ma tête. À partir de faits réels ou de faits de ma vie, celle-ci est belle, pourquoi voudrais-tu qu'elle soit finie? Et si je prends le mic aujourd'hui, c'est pourquoi à ton avis? Et ben tout simplement te raconter une partie de ma vie. Débarquer sur Terre, on est là pour débarquer sur Terre, avec le micro pour compagnie. Débarquer sur Terre, on est là pour débarquer sur Terre, on est là pour raconter nos vies. Débarquer sur Terre, on est là pour découvrir la vie, entouré de nos familles, de nos proches et de nos amis. Débarquer sur Terre, non non faut pas que tu nous envies. On est des jeunes normaux avec le micro pour raconter nos vies. Débarquer sur Terre, on est là pour découvrir la vie, entouré de nos familles, de nos proches et de nos amis. Débarquer sur Terre, non non faut pas que tu nous envies. On est des jeunes normaux avec le micro pour raconter nos vies. Débarquer sur Terre, avec 3 ans de décalage, on prendra toujours le mic et ça, quel que soit notre âge. La tête dans les nuages, mais les idées sur la page. Notre esprit est loin d'être enfermé dans une cage. Sans rage, je vis ma vie à 100% sans regret. Sainement et sensé, je vis et j'écris sans décret. On a des points communs, déménagement, rap et basket. Mais c'est rare que tu nous vois avec le moral dans les chaussettes. Même si on est là pour rapper nos joies, nos peines, c'est pas souvent que tu nous verras rapper nos haines. Alors si on a pris le micro aujourd'hui, c'est pour représenter tous les gens qui nous entourent. Chaque jour, boum, sur Terre, on est là pour découvrir la vie, entouré de nos familles, de nos proches et de nos amis. Débarquer sur Terre, non non faut pas que tu nous envies. On est des jeunes normaux avec le micro pour raconter nos vies. Débarquer sur Terre, on est là pour découvrir la vie, entouré de nos familles, de nos proches et de nos amis. Débarquer sur Terre, non non faut pas que tu nous envies. On est des jeunes normaux avec le micro pour raconter nos vies. Boum! Débarquer sur Terre.